deuxième temps de notre série sur Karl Marx, alors que les chemins de la philosophie à 10h vont s'intéresser à son œuvre majeure, Le Capital. Après avoir écouté hier l'économiste et historien de l'économie Thomas Piketty nous dire ce qu'il avait retenu de l'œuvre du penseur Karl Marx, et avant demain de recevoir son dernier biographe en date, l'universitaire états-unien Jonathan Sperber, nous allons ce matin, dans un documentaire réalisé par Thomas Duterre, suivre Karl Marx lors de son séjour parisien à Paris, donc entre 1843 et 1845. Qu'était-il venu faire dans la capitale française? Qui y a-t-il croisé? Qui a-t-il appris, au contact en particulier des ouvriers allemands qui étaient nombreux à l'époque? C'est ce que nous allons voir avec les analyses de Yves Fouquet, de Laurent Theis, de Pauline Clochec, de Delphine Diaz, d'Alain Rustenholz et de Sylvie April, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, Karl Marx à Paris. Wo wollt ihr da hin? Nach Graz, in der Kugelenz, zum Fürstenstift bis auf nach Lenz, zur Freiheit und Andalusia. Je me réjouis de ce que votre décision est prise et que vos pensées se tournent en avant vers une entreprise nouvelle. À Paris, donc. Cette vieille et grande école de la philosophie et cette nouvelle capitale du monde nouveau. En Allemagne, l'oppression brutale est partout. Je suis convaincu que notre projet répondra à un vrai besoin. Aussi, n'ai-je pas le moindre doute quant à l'entreprise. Dans tous les cas, je serai à Paris à la fin du mois. Parce que l'air d'ici rend nos esprits serviles. Et qu'en Allemagne, je ne vois absolument pas de champ pour une activité libre. Karl Marx à Paris, un documentaire d'Emmanuel Laurentin, réalisé par Thomas Duterre. Parce que je pense que ça va t'intéresser. Oui, oui, Marx à Paris, c'est un vrai sujet. Voilà, je vous l'ai dit, je me suis pas tombé, je me suis dit, il y en a un dans la cour, pour que vous le voyez. Un vrai sujet. Parce qu'en fait, il y a tout un moment où Marx a fréquenté le four Saint-Antoine. Oui, oui, oui, c'est vrai. Oui. On vous a raconté ça, vous êtes d'une famille de... Alors moi, je suis une famille ouvrière, on va dire. Hein. Je suis tornemaniste, mon père l'était avant moi. Il vient ici parce qu'il y a une énorme communauté allemande. Allemande, oui, et qui était très virulente. Dans la rue, critiquait les bourgeois, les insultait, c'était les maîtres, quoi. C'était les maîtres du faubourg, quoi. Mais il y avait plusieurs classes ouvrières au sein de ce 11e. Il y avait par exemple les gens qui étaient dans la fabrique de glace. Yves Fouquet. Qui alors étaient des ouvriers d'une autre élite, parce qu'ils avaient une sécurité d'emploi totale, eux. La preuve, c'est que quand les manufactures ont fermé pour les événements révolutionnaires et tout, ils ont toujours été payés. Parce qu'on ne pouvait pas se dispenser de perdre cette main-d'œuvre-là, avec son savoir-faire, etc., etc. Et ces gens-là, par contre, dans les 101 qui ont pris la Bastille, il n'y en avait pas. Les gens qui ont pris la Bastille, c'était des ouvriers, issus des fabriques de papier peint, issus des fabriques de bois, mais principalement des indépendants, issus du métier de luxe, les sculpteurs, les tapissiers, tous ces gens-là. Le monde ouvrier, c'est ici, dans ces cours-là. Quand il arrive à Paris à 25 ans, avec sa femme Jenny, en octobre 1843, Karl Marx fuit d'abord un régime prussien qui resserre son étau sur les penseurs libéraux et républicains des provinces allemandes. La France, dirigée depuis 1830 par le roi Louis-Philippe, apparaît pour beaucoup d'écrivains et de libellistes européens comme un pays où exercer ses talents et propager ses idées. En outre, Paris est considéré par bien des intellectuels comme la grande bouilloire magique dans laquelle l'histoire du monde est en ébullition, et par des révolutionnaires pourtant régulièrement emprisonnés comme la capitale du socialisme et d'un communisme en train de naître. Il y a là le souvenir de la grande révolution française, les fabriques qui se transforment en usines, l'afflux des populations rurales pour travailler à l'industrialisation du pays. Der Kaiser, kommen seid ihr mir, ihr sollt an Teil bekommen an meines Landes Bedien. Ich will euch wohl beschützen mit Gnaden voller Hand. Marx, dans sa jeunesse, a connu une évolution intellectuelle, à la fois sur le plan philosophique et sur le plan politique, extrêmement rapide. Pauline Clochec. À la base, c'est quelqu'un qui a une formation de philosophe. Il a essayé de faire une carrière à l'université. Simplement, le gouvernement de Frédéric Guillaume IV en Allemagne, qui est couronné en 1840, n'apprécie pas trop les Hegeliens. Il y voit des fauteurs de troubles. Et les projets de carrière académique de Marx vont tourner court. Et c'est pour trouver tout simplement un gagne-pain, mais aussi un moyen de diffuser ses idées, que Marx s'est tourné à partir de 1842, il est tout jeune, vers le journalisme. Il a écrit dans un journal rhénan, basé à Cologne, qui s'appelle la Gazette rhénane, Marx défend une vision libérale. C'est une pensée qui considère que la société civile doit avoir une autonomie. L'État ne doit pas politiquement intervenir pour dicter aux gens leur manière de définir leur bien-être, dicter aux gens leur religion. Première position politique de Marx, c'est un libéral qui défend la monarchie constitutionnelle, comme le faisait Hegel. Lex mia, Schabach, Lex mia, Kraft, die Schabach, Lex mia, das ist die beste Lex mia von der ganzen Welt, auf Französisch, von ganz unserem. Le Paris où arrive Marx, c'est un Paris allemand. Marx va d'abord évoluer dans un milieu d'émigrés allemands avant de peu à peu, par ses émigrés allemands arrivés avant lui, rencontrer des intellectuels, des ouvriers, des artisans français. Sur la période de la Restauration, on estime que 300 000 Allemands sont passés par Paris. Donc ce sont des gens qui transitent, qui passent par Paris puis vont à Londres, ou alors ils reviennent en Allemagne. Et du fait de ce transit permanent, il y a beaucoup de diffusion d'idées. C'est par ce retour d'intellectuels, d'artisans et d'ouvriers allemands vers l'Allemagne après être passés par Paris que commence à se développer une pensée communiste en Allemagne. Und? Zufrieden, Karl? Ob ich zufrieden bin? Cologne, 1843. Bureau de la Gazette rhénane. Deux choses me plaisent. Constater que mon article a eu de l'effet et voir enfin le despotisme prussien à visage découvert. Oui, ça me plaît bien ça. Vous dites les choses à demi-mot. Vous écrivez de vagues critiques littéraires, de vagues résumés, de doctrines vaguement socialistes. J'en ai assez de vous tous. Jeune Hegelien, je ne veux plus me battre à coups d'épingle, mais à coups de massue. Nous sommes interdits. Tant mieux. Messieurs, je suis à vous. Karl. J'ai une proposition à vous faire. Je veux lancer une autre revue. Différente. Plus libre. Plus moderne, plus audacieuse. Paris, wäre das was für Sie? Paris, ça vous dirait? Marx vient à Paris, en réalité, dans l'espoir d'être un rédacteur des annales franco-allemandes. Delphine Diaz. Qui vont s'avérer être un échec, mais il avait normalement un salaire assez confortable, prévu pour rémunérer son activité de rédacteur des annales. Lénchen. Mein Lenchen. Wenn Lenchen zu uns kommen könnte. Ta grande maison, ton grand parc, ta famille adorée. Je t'arrachais à tout ça et pourquoi? Siehst du, jetzt schaffe ich nicht mal das Mikro bezahlt. Karl. Hm. Tu es injuste. Avec Ruge. Ruge est mauvais payeur, mais il nous a donné Paris. Sylvie Avril, bonjour. Bonjour. Nous sommes entrés dans le hall du 23 rue Vaneau, qui pour toute personne s'intéressant à Karl Marx a une signification particulière, puisque c'est le premier appartement dans lequel il s'installe, c'est ça, quand il arrive à Paris. Oui, c'est là où il s'installe donc en octobre 1843, lorsqu'il vient donc à Paris pour être le co-responsable et éditeur donc d'une revue qui s'appelle Les Annales franco-allemandes et qui viennent donc d'être lancées donc par Arnold de Rougue qui lui est arrivé donc à Paris quelques mois plus tôt dans cet immeuble et donc Marx et sa femme viennent s'y installer également dans l'immeuble où habite déjà un autre intellectuel, journaliste et poète allemand qui est Georg Herweg. Et il y a évidemment une proximité de toute cette communauté d'intellectuels allemands, puisque German Maurer, qui est aussi un des fondateurs et dirigeants de la Ligue des Justes, habite à côté, puisque les Annales franco-allemandes, qui n'auront qu'un numéro, dirigées par Arnold Ruge et par Karl Marx, sont juste en face sur le trottoir d'ici. Donc il y a une sorte de petite communauté qui s'installe dans un même endroit, pourrait-on dire, Sylvie April. Oui, oui, tout à fait. Il s'installe dans ce quartier qui est un quartier d'imprimeurs et d'éditeurs qui sont venus s'installer pour des raisons évidemment politiques, hein, de la censure qui existe alors dans les États allemands et notamment en Prusse. Donc il y a une colonie intellectuelle allemande. Il y a notamment aussi pas très loin, sur les quais de Seine, un autre grand représentant donc de la pensée allemande et de la poésie allemande qui est Heinrich Heine, qui est là. Donc il y a tout cet ensemble de part et d'autre de la scène, puisque aussi on en retrouve aussi du côté du Palais Royal également. Alors les premiers comme Heine sont venus s'installer au lendemain de la révolution de 1830, hein, Heine vient en 31, pour des militants des années 40 comme Ruge et comme Marx, la France représente d'abord un lieu où on peut s'exprimer de façon plus évidente et où beaucoup ont trouvé refuge, notamment donc dans le cadre de ce qu'on a appelé la Ligue des Bannis et ensuite la Ligue des Justes, hein, donc qui sont des organisations politiques radicale, prolétarienne, du moins ouvrière. Et il y a un public aussi, finalement, pour l'édition de ces journaux, de ces revues. Quand Marx arrive à Paris, il écrit à Ruge, on n'a pas d'étiquette. Ce qu'est le communisme aujourd'hui, ce sont des constructions idéologiques, c'est une cité idéale comme ça, inventée de toutes pièces. Notre but, c'est absolument pas de bâtir des chimères, des mondes idéaux, etc., mais de partir de la critique de l'existant. Et seulement quand on aura fait ce travail de critique, et à partir de cette critique, on pourra voir se dessiner éventuellement les figures de demain. Mais pour l'instant, le communisme tel qu'il est, c'est Cabet, c'est Weitz, ce sont des constructions idéalistes. En même temps, il a du respect pour Weitling, ce tailleur autodidacte qui, en arrivant en France, a lu Fourier, etc. Et donc, c'est Weitling qui a rédigé un livre qui est, en gros, le manifeste de la Ligue des Justes et qui s'appelle « La société telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être ». Et donc, Marx a des mots dans le Vorwärts extrêmement élogieux à propos de cet ouvrage et par rapport à toute la littérature des politiciens bourgeois, cet ouvrier a réalisé une œuvre formidable qui va peut-être même plus loin que Proudhon. Mikhail Alexandrovich Bakounine. Karl Marx. Je ne suis pas anarchiste. Je m'en doute. Je lis les annales franco-allemandes. Tama. Je sais reconnaître le sang quand il boule dans la veine. Et le boule dans la veine de tes écrits, mon petit. Lisez les annales. Pourquoi pas y écrire ? Le Paris de l'époque, c'est un lieu de bouillonnement intellectuel. C'est sans doute l'endroit en Europe où se rencontrent, se retrouvent et échangent le plus de théoriciens du communisme, du socialisme, de l'anarchisme naissant. Pauline Clochec. Et tout ça, notamment à partir des années 1840. Hein, c'est en 1840 qu'il y a le premier banquet communiste à Belleville. Et c'est à partir de là qu'un communisme qui se réclame de Babeuf se développe. Alors, quel est le problème des auteurs jeunes hegéliens vis-à-vis de ça ? Grosso modo, pour eux, les socialistes, les anarchistes, les communistes françaises et français, Flora Tristan, Proudhon, Cabet, des amis, sont très bien pour tout ce qui est négatif. Ils sont bien dans la critique. Ils font une bonne théorie critique de la société. Mais dès qu'il s'agit de dire quelque chose de positif, de formuler des projets de société alternatifs, ça devient, pour eux, absolument non rigoureux. Sur quoi portent leurs différends ? Eh bien, centralement, leurs différends portent sur la religion. C'est-à-dire que quand les auteurs jeunes hegéliens, comme Marx, comme Ruge, comme Hess, qui, n'ayant plus en Allemagne d'espace de publication, qui sont censurés, émigrent à Paris pour pouvoir trouver un espace de publication, ils se trouvent devant un mouvement ouvrier et des théoriciens ouvriers chez qui est très présent une référence à la religion chrétienne pour justifier leur nouveau projet de société. C'est très présent, par exemple, chez Cabet, chez un communiste allemand qui vit entre Londres, Paris et la Suisse, qui s'appelle Weitling. Ces auteurs présentent leur projet comme des formes de réalisation du christianisme dans sa pureté primitive. Donc, qu'est-ce que vont apporter les Français aux Allemands ? Ils vont leur apporter leur critique de la société. Et qu'est-ce que va apporter la philosophie allemande aux Français ? L'athéisme. L'unique libération pratique possible qui soit possible en Allemagne est la libération du point de vue de la théorie qui proclame que l'être humain est pour l'être humain l'être suprême. En Allemagne, s'émanciper du Moyen-Âge n'est possible qu'en s'émancipant en même temps des dépassements partiels du Moyen-Âge. En Allemagne, aucune forme de servitude ne peut être brisée sans briser chaque forme de servitude. L'Allemagne, qui va au fond des choses, ne peut faire la révolution sans la faire de fond en comble. L'émancipation de l'Allemand est l'émancipation de l'être humain. Le cerveau de cette émancipation est la philosophie. Son cœur, le prolétariat. On ne peut rendre la philosophie effective sans abolir le prolétariat. On ne peut abolir le prolétariat sans rendre la philosophie effective. Quand toutes les conditions internes seront réunies, le jour de la résurrection allemande sera annoncé par le chant du coq gaulois. L'idée des annales franco-allemandes, c'est justement de créer un journal où il y aura à la fois donc des textes publiés par des auteurs allemands et des auteurs français. Donc, dès leur arrivée, Ruge et Marx vont essayer donc de rentrer en contact avec des militants français, Cabet, Leroux. Sylvie April. Les contacts sont plutôt, sont plutôt décevants, finalement, pour des raisons politiques, certainement, parce qu'on comprend un peu mal cette anti-philosophie allemande, qui est évidemment un substrat très très fort de réflexion sur la place d'Hegel et autres. Alors on sait qu'il y a des banquets qui vont s'organiser, hein, donc il y a au moins un banquet où on sait que Marx participe, et où il y a Leroux, où il y a aussi Schœlcher, semble-t-il. Marx fréquente certainement aussi des rencontres d'ouvriers, hein, puisque c'est là vraiment qu'il prend conscience du rôle que peuvent jouer les rôles des ouvriers dans la Révolution. Et puis donc, il y a pour Marx aussi donc rencontre importante, mais avec Proudhon. 2 pour 5, ça va ? Citoyens, je donne tout de suite la parole à celui qui, venant de Lyon, nous fait l'honneur de sa visite. Notre cher, notre grand Proudhon. Ouais. Chers amis, compagnons, citoyens, c'est avec plaisir que je prends place parmi vous à ce banquet républicain. Ils veulent les supprimer, ces banquets, parce qu'ils ont peur de votre colère. Et ils ont raison d'avoir peur, car il y aura toujours plus de peuple que de police et de soif de liberté que de répression. Marx raconte qu'il a passé des nuits à discuter avec Proudhon, qui avait une petite chambre quand il était là à rue Mazarine, et qu'il l'a donc infesté d'hégélianisme, selon la formule qu'il a, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est véritablement passé. Et de toute façon, ça ne produit pas véritablement, j'allais dire, une fusion ou quelque chose qui soit tangible, puisque le numéro unique donc des Annales franco-allemandes qui va paraître en février 1844 ne comprend aucun article d'auteur français. Donc c'est un numéro exclusivement allemand. Les auteurs allemands comme Marx considèrent que la France, qu'est-ce que c'est ? C'est le pays de la pratique. Des gens qui ne pensent pas, mais qui, d'un point de vue politique, sont intéressants. Mais en Allemagne, on pense, on a des modèles théoriques. Et du coup, il faudrait se nourrir un peu les uns les autres là-dessus. Pourquoi la question ? Qu'est-ce que la propriété ? Si je réponds, c'est le vol. Dois-je sans cesse devoir m'expliquer ? La propriété, mais laquelle ? La propriété privée, bourgeoise. Je connais cet homme, c'est Karl Marx. La France, et notamment Paris, est le pays où il est possible de créer en toute liberté et de développer en toute liberté un journal de langue étrangère. Laurent Theis. Et les Allemands y viennent d'autant plus volontiers qu'une décision de la Diète de Francfort et de l'Assemblée allemande de 1835, si je ne me trompe pas, interdisait aux Allemands d'aller séjourner dans les pays où il y avait une liberté d'association. C'était le signe que c'était là justement qu'il fallait aller. Et c'est là que Marx s'est mis en contravention et qu'en 1843, il était obligé, il a choisi plutôt, d'aller vivre à Paris où il a pu développer son journal. La liberté de la presse à cette époque est une des mieux garanties en Europe. Et le gouvernement, quand il fait des procès, en perd une grande partie. Pauline Clochec, si l'on en croit les biographes de Marx, le Porsche que nous venons de passer à l'instant même, qui se trouve au coin de la rue des Moulins et de la rue des Petits Champs à Paris, est un Porsche qu'il a passé assez souvent. Oui, effectivement. Puisque c'est dans cet immeuble que se tenaient les locaux du journal Vorwärts, ce qui veut dire en avant, où Marx a travaillé lorsqu'il était à Paris, d'octobre 43 jusqu'au 5 février 45, jusqu'à son expulsion de France par le gouvernement de Guizot. Il s'en va à Bruxelles. Et pendant sa période parisienne, qui est la période où l'on trouve ses premiers écrits et ses premières prises de position socialistes puis communistes, eh bien les Annales franco-allemandes éclatent et Marx et les autres auteurs socialistes et communistes qui habitent alors à Paris, comme le poète Heine, dont Marx se rapproche alors, eh bien tous ces auteurs cherchent un nouvel organe pour exprimer leurs pensées. Et ils vont le trouver dans ce journal Vorwärts en avant, dont les bureaux étaient dans cet immeuble. Alors, à l'origine, ce journal Vorwärts, ça n'est pas du tout un journal ni communiste ni socialiste, c'est un journal plutôt libéral. Simplement, que se passe-t-il au printemps 43 ? Il y a des dissensions internes à l'intérieur de la rédaction du Vorwärts, notamment du fait de la présence d'un mouchard de l'État prussien à l'intérieur de la rédaction, Bornstedt. Et cette rédaction étant déséquilibrée, des anciens membres socialistes et communistes des Annales franco-allemandes, des amis de Marx comme Bernays, comme Moses Hess, vont infiltrer la rédaction du Vorwärts et en faire un journal communiste. Le faubourg Saint-Antoine est en feu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a commencé avec un cordonnier. Il apporte à son patron un ouvrage de 3 francs. Le patron le trouve mal fait. Je le paye 50 sous. Mais le gars n'est pas d'accord. Le salaud le fait jeter dehors. Le gars réplique avec les camarades et casse tout. Et voilà la police sur pied. La Ligue et la Garde nationale. Weitling, du calme. Des émeutes dans le faubourg, il y en a tous les jours. Ce n'est pas la révolution. Non, mais ça chauffe. Je cherche Arnold Ruge. Est-ce que vous vous êtes fait une idée de ce qui se passait dans cet immeuble où nous nous trouvons, donc au cœur de Paris, l'immeuble du Vorwärts? Comment se passaient les conférences de rédaction de ce journal? Eh bien, il y a des personnalités qui sont là en permanence, comme Marx, comme Moses Hess, comme Bernstein, le fondateur de ce journal, le Vorwärts. Il y a des personnalités de passage, pour éviter des arrestations ou pour aller prêcher la bonne parole révolutionnaire, comme Bakounine, qui passe et puis va en Belgique, comme Engels, qui vient fin août, début septembre à Paris. Et tous ces gens participent au Vorwärts. Donc il y a aussi beaucoup de polémiques internes, mais ça n'empêche pas le journal d'avoir une certaine ligne, qui est cette ligne humaniste. Et Marx est extrêmement directif sur cette ligne-là. Marx écrit finalement assez peu dans le Vorwärts. On a quelques articles de lui, tout simplement parce qu'à l'époque, il cherche à fonder son passage au socialisme en étudiant l'économie politique, qu'il connaissait très mal avant. Donc il lit Ricardo, Adam Smith, etc. Mais il fait passer, lors des réunions dans les bureaux du journal Vorwärts, ses idées notamment de critique de l'argent, de critique de la propriété privée, et ces idées, on les retrouve dans les articles d'autres auteurs du journal, comme Georg Weber ou Bernstein, en leur soufflant des idées et en leur soufflant aussi un intertexte. C'est-à-dire que le journal Vorwärts, c'est un journal d'un mouvement qui est naissant. Le communisme, il date de 1840, quelque part. Et un mouvement naissant a besoin de se justifier en se trouvant, voire en s'inventant, une histoire, une légitimité historique. Marx, de ce fait beaucoup de lectures d'anciens auteurs comme Morelli, Campanella, et fait passer ces lectures dans des petits extraits traduits en allemand qui sont publiés dans le Vorwärts. Le point essentiel est la marchandise. Le travail, votre travail, est en un sens une marchandise. Votre force de travail, vous le vendez à votre employeur comme une marchandise, non? Sauf que vous n'êtes pas libre. Vous êtes forcé de la vendre pour vivre. On en crève ici! Et de la vendre au moindre coût pour lui. Il y aura bien toujours des patrons et des ouvriers. Il n'y aura rien, toujours. Rien! Dire il y aura toujours, c'est une formulation bourgeoise. C'est ce que le capital aimerait nous faire croire. Mais tout bouge. Tout est soumis au changement. Rien n'est dur. On est ici au cœur du quartier du Faubourg Saint-Antoine, entre la Bastille et la place du Trône, hein, l'actuelle place de la Nation, au cœur d'un quartier industriel où se réunissent les artisans et où se trouve une très importante immigration étrangère, en particulier allemande. Delphine Diaz. Alors ces artisans qui travaillent dans ces cours tels qu'on les voit encore aujourd'hui, et dans ces passages très nombreux que fréquentait Marx lors de son séjour à Paris, eh bien, ils travaillaient à la fois dans le secteur du travail du bois précieux, souvent ébéniste par exemple. Ils étaient également tailleurs. On a énormément de tailleurs allemands qui sont représentés, en particulier à travers les caricatures de l'époque. À côté de cela, on a également des artisans qui vont travailler dans des fabriques de papier peint, très nombreuses aussi dans ce quartier. Alors, qu'est-ce qui explique la présence de ces très nombreux Allemands dans Paris, en particulier de ces très nombreux ouvriers allemands ? Ces ouvriers allemands commencent à arriver en grand nombre dans les années 1820, hein, et leur présence va s'étoffer sous la monarchie de Juillet, puis sous la Seconde République. Ce qui explique leur venue, eh bien, c'est qu'ils recherchent du travail. Hein. Il y a à la fois un artisanat très qualifié qui s'installe ici, hein, qui vit correctement, à côté bien sûr d'un artisanat moins qualifié. De même également aussi une présence de femmes, hein, de domestiques allemandes qui vont se trouver à s'employer dans les maisons françaises. Ils trouvent aussi ici un espace de liberté qu'ils n'ont pas forcément dans les États allemands. Musik Alors, on a parlé pratiquement d'une ville allemande dans la ville française. Tellement leur nombre était important, entre 20 000 et 40 000 selon les spécialistes. Leur présence est marquée aussi par ces années politiquement très intenses de la monarchie de Juillet et des années 1840. Alors, ils ont largement contribué à ces engagements insurrectionnels et révolutionnaires. On peut d'abord revenir à l'insurrection de 1839, l'insurrection des saisons, à laquelle participe un exilé allemand qui est aussi un artisan, qui s'appelle Karl Schaper, qui va avoir une importance particulière dans la création ensuite de la Ligue des communistes. Et par la suite, dans les années 40, il reste impliqué très largement dans les débats des sociétés secrètes françaises, dans les débats également des rédactions de certains journaux, comme le journal La Réforme, créé en 1843. Et on sait que Marx a beaucoup d'affinités politiques lors de son premier séjour parisien avec les rédacteurs de La Réforme. Alors, on les surnomme, en tout cas c'est comme ça que Engels les surnomme, les ours des faubourgs. Je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais effectivement il doit y avoir quelque chose de menaçant, en tout cas pour l'ordre établi. Est-ce qu'on a beaucoup de traces justement de révoltes, de grèves, de manifestations de ces ouvriers du faubourg Saint-Antoine pendant cette dernière décennie de la monarchie de Juillet, Delphine Diaz? Oui, effectivement, ils ont pu être décrits comme des ours par Engels, mais je me référerai aussi à la formule de Heine, donc le célèbre homme de lettres allemand qui s'installe ici en 1831 jusqu'à sa mort en 1856, et qui va décrire ces artisans allemands du faubourg Saint-Antoine comme des sauvages. Donc, pas à l'unisson! Chargé d'amour au grand soleil de la révolte. Oui, mes frères, mes amis, mon sang en vous avez des ouvriers qui sortent de leur Alain Rustenholz de leurs ateliers et qui passe devant les boulangeries où le prix du pain va augmenter le lendemain, où ils voient des rayonnages vides parce que ils pensent que les boulangers ont déjà gardé le pain par devers eux en attendant le lendemain pour pouvoir le vendre à un prix plus élevé. Il y a des cris qui fusent, il y a des cailloux qui volent, il y a des barricades qui s'élèvent, puis il y a la police qui charge, puis des arrestations. Et ce sont les Allemands qui mènent ces combats ? Alors, effectivement, il y a un nombre relativement important d'Allemands parmi eux et il y aura des expulsions parmi ces Allemands. Donc on a des noms, là encore, dans la presse, d'expulsés Allemands. Sind Ihre Papiere in Ordnung? Ich müsste irgendwo meinen Pass haben. Ja. Gehen wir lieber kein Risiko ein. Zurzeit sind Sie Ausländern gegenüber misstrauisch, besonders gegenüber Deutschen. Nicht stehen bleiben. Auf mein Zeichen biegen wir bald die Passage rechts ab. Mhm. Jetzt. Arrêtez! Nous sommes avec moi! On a aussi des traces sur la coexistence parfois difficile entre ouvriers français et ouvriers allemands, avec par exemple en 1839, on sait que des ouvriers français donc, ont poursuivi ici les ouvriers allemands en leur reprochant de se faire embaucher moins cher que les français, donc déjà aussi des manifestations xénophobes avant la lettre. Les spécialistes de la démographie, de l'urbanisme, estiment que entre 1831 et 1846, la population étrangère, réfugiés mais aussi travailleurs, augmentait environ de 5% en moyenne par an pendant 15 ans. Si on part sur une base de 100 000 immigrés en 1831, ça va assez vite. Laurent Theis. Donc ce sont des chiffres qui ne sont pas négligeables et qui montrent que la France de la monarchie constitutionnelle est attractive. Quand vous prenez les chants polonais, les hymnes même suisses, italiens, la France est un horizon désiré et qui le restera jusqu'à la fin de la monarchie de Juillet, plus que dans les régimes qui précèdent et dans les régimes qui suivent, car il faut toujours se comparer avant de se juger. Il s'est levé, Voici le jour sanglant. Qu'il soit pour nous le jour de délivrance. Dans son essor, voyez notre aigle blanc, les yeux fixés sur l'arc-en-ciel de France. Au soleil de juillet, dont l'éclat fut si beau, il a repris son vol, il fend les airs, il crie. Pour ma noble patrie, liberté, ton soleil, ou la nuit du tombeau. Lorsque les ouvriers communistes se réunissent, ce qui leur importe d'abord comme but, c'est la doctrine, la propagande. Mais en même temps, ils s'approprient par là un nouveau besoin, le besoin de la société, et ce qui apparaît comme moyen est devenu le but. On peut observer ce mouvement pratique dans ses résultats les plus éclatants lorsque l'on voit réunis des ouvriers socialistes français. Fumer, boire, manger ne sont plus là à titre de moyen de faire le lien, ni comme moyen de liaison. L'association, la réunion, la conversation, qui a de nouveau la société pour but, leur suffisent. La fraternité des hommes n'est pas un vain mot, mais une vérité pour eux. Et la noblesse de l'humanité nous illumine depuis ces figures durcies par le travail. Alain Rusténols. Les réunions de cellules, elles regroupent 12-20 personnes. Ces réunions dans lesquelles Engels intervient, par exemple. Le bourgeois est toujours libre d'employer le travail. L'ouvrier toujours forcé de le vendre. Évidemment. Le bourgeois aime parler de la liberté. Mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le savez, vous le sentez dans votre chair, chaque jour, chaque jour. Tandis qu'aux barrières, le dimanche, il peut y avoir des espèces de grands rassemblements avec femmes et enfants qui atteignent 200 personnes. Les barrières, c'est l'endroit de Paris qui se trouve à la frontière de la ville, là où d'un côté on paye des taxes, c'est l'octroi, et de l'autre côté on en paye moins, et donc on y installe, comme à la barrière du trône, près de la place de la Nation aujourd'hui, des guinguettes. Oui, l'octroi tombe aux barrières, donc de l'autre côté des barrières, le vin est moins cher, donc il y a évidemment de très nombreuses guinguettes, et on y boit, on y mange du lapin sauté, c'est la promenade dominicale traditionnelle. Il faut imaginer aussi un Paris assez puant, assez rempli, manquant d'air. Donc on va aussi aux barrières chercher un peu d'air. Et puis comme on est en dehors de la limite de la ville, la surveillance policière est également un peu moindre, un peu moins de mouchards. Alors Marx a peut-être été spectateur dans l'un ou l'autre de ces rendez-vous de barrières pendant son séjour. Qu'est-ce qui explique ce mélange entre l'intellectuel Marx et les ouvriers du Faubourg Saint-Antoine ? L'intellectuel Marx est un ours, hein. Il passe beaucoup de temps de son séjour parisien à lire, lire, lire et lire, et à écrire également les manuscrits de Paris, hein, de 1844. Delphine Diaz. Malgré tout, on sait en effet qu'il a fréquenté ces lieux de sociabilité, qu'il a fréquenté ces quartiers ouvriers. Alors il y a eu un intérêt aussi pour la naissance de ce prolétariat, hein, qu'il décrit dans son œuvre, et qu'il voit ici en quelque sorte fonctionner, hein, dans la capitale parisienne, bien plus qu'à Cologne, hein, où il était rédacteur de la Gazette Rhénane. Donc il y a en effet un intérêt pour le fonctionnement de ce monde ouvrier à travers cette fréquentation de ces bandes d'artisans allemands. C'est précisément lors de son séjour à Paris, grâce à ses fréquentations avec ses milieux ouvriers, qu'il devient communiste. Hein, donc il fait sa mue à ce moment-là, au contact de cette réalité parisienne. Mmh. rien ne laisse présager jusqu'à l'été 44, en fait, qu'une expulsion soit possible. La France, à ce moment-là, ne tient pas à accepter les pressions qui peuvent être faites par le gouvernement prussien. Néanmoins, il y a un élément certainement important qui est justement donc, cette publication du Fort Wertz, qui, elle, est une publication bi-hebdomadaire et qui a du succès, et qui met en avant Sylvie April. Des événements qui se sont situés en Allemagne, mais qui font écho à ce qui s'est passé auparavant en France, puisque donc l'article que va publier Marx, mais surtout le grand poème de Hein donc, sur les tisserands, sont publiés donc, en juin 1944 et pour Marx en août. Et donc cette révolte donc, des tisserands, qui rappelle celle des canuts, certainement a retenu l'attention des autorités françaises, et qui voit d'un mauvais œil donc, là, cette publicité faite à des mouvements sociaux importants, puisque pour Marx, c'est vraiment un mouvement tout à fait spontané, donc de ces pauvres tisserands à domicile qui donc vont détruire les machines et qui vont s'en prendre aussi à leur patron. Enfin, bon, donc les pressions du gouvernement prussien, donc qui se renforcent à ce moment-là, sont mieux acceptées. Donc on va poursuivre, pas directement tout de suite Marx, mais un autre militant, Bernays, qui va être emprisonné. Et qui va être emprisonné pour une raison effectivement qui dépasse simplement celle des publications, qui est de celle d'appel au régicide. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben. Qu'on se rappelle d'abord. Le chant des tisserands, das Lied der Weber. Ce cri de guerre audacieux, où foyer, fabrique, district ne sont même pas mentionnés, mais où le prolétariat clame d'emblée, de façon frappante, tranchante, brutale et violente, son opposition à la société de la propriété privée. Im düstern Auge keine Träne. Dans leurs yeux sombres, pas une larme. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Assis au métier, ils serrent les dents. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben. Allemagne, nous tissons ton linceul, nous mêlons à la trame la triple malédiction. Nous tissons. Maudit soit le Dieu que nous avons prié, dans le froid de l'hiver, dans le froid et la faim, attente et espoir. Attente en vain, espoir en vain. La navette vole, le métier craque. Nous tissons le jour, nous tissons la nuit. Allemagne, nous tissons en linceul. Nous mêlons à la trame la triple malédiction. Nous tissons, nous tissons. Le Fort Wertz, qui a été créé le 1er janvier 1844, pas par Marx, mais par un Allemand bien plus important, bien mieux connu de l'immigration, qui s'appelle Heinrich Bonstein, a pu prospérer jusqu'au jour où, comme toujours, on va toujours un peu trop loin, Laurent Theis, imprimer des choses véritablement très désagréables sur le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV. L'ambassadeur est intervenu en disant, écoutez quand même, l'offense au chef d'État étranger, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'à Berlin, vous, Louis-Philippe, on vous... Voilà. Alors on a dissous le journal et on a pris un ordre d'expulsion pour ses collaborateurs. 9 personnes ont reçu un ordre d'expulsion, mais tous les ordres d'expulsion n'ont pas été exécutés. Par exemple, ce Heinrich Brunstein dont je parlais, il a négocié avec le gouvernement en disant « Écoutez, je vais me mettre à la solde d'un journal new-yorkais et je vais me calmer. » Un autre a fait 2 mois de prison en préférant faire de la prison à Paris que de partir à Bruxelles. Cet autre a dû partir. Homme profondément irascible, le roi de Prusse vient de commettre une nouvelle couardise et le ministère français a cru devoir lui obéir. Journal La Fraternité, 1845. Le préfet de police vient d'expulser plusieurs littérateurs socialistes allemands qui n'avaient pas cessé de prêcher dans le journal Le Vorwärts, la Sainte Alliance des deux peuples. Parmi eux se trouve le philosophe communiste, M. Charles Marx de Trèves. Il part à contre-cœur, dans vraiment un moment de désespoir pour lui. Hein. On a des témoignages sur son état, vraiment Delphine Diaz. Très chagriné dans la voiture qui l'emmène vers Bruxelles. On sait également que sa femme est très en colère. Hein. Elle attend son deuxième enfant. Ça complique un petit peu les choses, ça complique le déplacement. Monsieur Charles Marx. Oui, c'est moi. Par ordre du Premier ministre François Guizot, au nom du roi, vous êtes expulsé du territoire français. Du roi de France ou le roi de Prusse? Il fait de l'esprit. Vous devez quitter sous 24 heures. 24 heures? Mais vous plaisantez? Vous croyez? Ich habe schon alle das Landesverwiesen, Marconi in Hess, sogar Ruge. Éric Fournier, vous êtes spécialiste, entre autres, de l'histoire de la Commune de Paris. Et nous sommes au Père-Lachaise, devant le mur des Fédérés, où nous trouvons quelques tombes de représentants célèbres du mouvement ouvrier, et en particulier la tombe de Karl-Jean Longuet-Marx, de Paul Lafargue et de Laura Lafargue, née Marx, donc la famille des descendants de Karl Marx à Paris. Ce qui est étonnant, c'est que on trouve peu d'endroits où la mémoire de Marx est entretenue dans Paris, mais on trouve aussi peu de notations de balades de Karl Marx dans Paris et d'une connaissance approfondie d'une ville qu'il a pourtant parcourue au moins pendant un an et demi, voire en plusieurs séjours un peu plus longtemps. La présence de la plaque Laura Lafargue-née Marx est l'une des rares inscriptions murales ou épigraphiques du nom de Marx dans Paris. On sait très peu de choses, effectivement, sur la mémoire parisienne de Marx. Et si l'on regarde la guerre civile en France, donc l'ouvrage rédigé à chaud par Marx dès la fin de la Commune, on a peut-être un indice, c'est que Marx lui-même décrit cette ville en révolution comme s'il n'y avait jamais vécu. C'est une description d'un Paris ouvrier, révolutionnaire, hors sol, très peu de noms de lieux, sauf ceux qui sont attendus, l'hôtel de ville, pas de paysage, pas de rue, bref. Aucune familiarité avec une ville dans laquelle il a pourtant vécu plusieurs années. Il y a vraiment, même en cherchant bien, peu de rapports intimes de Marx à cette ville qu'il encense pourtant comme la forteresse de la classe ouvrière française en 1871. Alain Rustenol, il y a quelque chose de très frappant, c'est que vous connaissez parfaitement le Paris ouvrier du 19e siècle. Il n'y a aucune plaque rappelant le passage de Marx à Paris. Vous l'expliquez comment? Parce que à Londres, évidemment, il y a une plaque sur son lieu de résidence, à Bruxelles aussi, et à Paris, rien du tout. C'est difficile. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une rue à Paris non plus. Tout ça, ça appartient à la banlieue rouge. C'est là qu'il y a les rues Karl Marx, comme il y a les rues Gagarine et les gymnases Maurice Thérèse, etc., etc. Mais Paris, de toute évidence, et depuis longtemps, c'est pas son passé ouvrier qu'elle met en avant. C'est probablement pas ça qui permet d'en faire une ville olympique ou d'attirer les investisseurs ou la finance de la city ou je sais pas quoi. Mais alors qu'effectivement, à Zurich, on trouve des plaques sur le passage de Lénine, etc. Alors que dans le 14e, là où il a habité, il y en a plus sur la maison qu'il habitait et devant laquelle, à l'époque de l'URSS, les dignitaires soviétiques en voyage en France venaient faire un tour. Donc ce passé-là, non, c'est pas un produit d'appel pour le Paris contemporain. Fertigstellen für Ruge und die Korrespondenz. Die Korrespondenz mit London weiterführen. C'était Karl Marx à Paris avec Yves Fouquet, Pauline Clochec, Delphine Diaz, Laurent Theis, Sylvie April, Alain Rustenholz et Éric Fournier. Extrait du film de Raoul Peck Le jeune Karl Marx et de Heimat, chronique d'un rêve de Edgar Reitz. Lecture, Rainer Sievert et Xavier Martinet. Prise de son, Benjamin Chauvin et Bernard Laniel. Mixage Pascal Bénard, un documentaire d'Emmanuel Laurentin réalisé par Thomas Duterre. Voilà, demain nous continuons notre série sur Karl Marx en recevant Jonathan Sperber qui vient de publier aux éditions Piranha Karl Marx, homme du 19e siècle. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, si vous voulez réagir à cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture, franceculture.fr, mais également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.